Merci d'écouter la première. Voici tout de suite Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. C'est le pays que le Christ a foulé et c'est un pays dépouillé. Il y a les coupoles dorées, il y a les icônes, il y a sans doute les cultes et les pèlerinages qui y sont liés. Cette semaine, la Russie. On a toute cette atmosphère de sainteté, de sacrifice. Pèlerins, martyrs et idéologues. La Russie prétend ou croit avoir certaines clés du salut du monde. La religion. On chante la Vierge, il n'y a rien de vilain dans tout cela. Et la politique. Vladimir Vladimirovich Poutine. Ce mec-là, c'est pas n'importe quel premier ministre, c'est pas n'importe quel personnage. Deux Roms sont tombées, Moscou, la troisième Rome, est debout et il n'y en aura pas de quatrième. L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance, d'une ignorance des peuples. Abyssal. Donc c'est nous et après nous le chaos. En l'espace d'une génération, un pays athée est devenu sans difficulté un pays religieux. Aujourd'hui, en compagnie de l'organisateur du colloque intitulé « L'invention de la Sainte Russie ». Je suis Vladimir Berilovitch, professeur honoraire d'histoire à l'Université de Genève et directeur d'études retraité à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et ma spécialité, c'est l'histoire de l'Empire russe, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'époque impériale 18e-19e siècle, et plus particulièrement une histoire socio-culturelle, notamment attachée à des questions touchant à l'éducation des élites, à la culture des élites, ce genre de choses. Faut-il dire invention de la Sainte Russie? Faut-il dire autoproclamation? Faut-il dire projection? Quel mot serait, au terme de ce colloque, selon vous, le plus approprié? C'est difficile de répondre. Je crois que invention n'est pas mal, en ce sens, mais invention, c'est un terme un peu à la mode. Comme on a dit, invention de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire de l'idée d'Europe de l'Est, invention de l'Orient. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réalités. Cela ne veut pas dire que c'est une construction récente née dans des cervelles d'une dizaine de fanatiques ou, ou arrivistes ou je ne sais quoi. Mais ça veut bien dire que l'idée elle-même est problématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? De quand ça date? C'était ça un peu l'objectif du colloque. Alors, quelle est l'histoire, en fond, de cette idée qui est née effectivement en Russie. Là, il n'y a aucun doute possible là-dessus. Au cours d'un épisode bien connu du voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, 1790, au début du chapitre Kline, Alexandre Radichev met en scène un mendiant aveugle, ancien soldat estropié par la guerre et repenti d'avoir tué avec trop d'ardeur, qui chante un cantique hagiographique consacré à Alexis, homme de Dieu, Saint Alexis. La scène tire des larmes à toute l'assistance, aux chanteurs, aux voyageurs sentimentaux, aux autres auditeurs, et, visiblement, elle est destinée à en tirer encore plus aux lecteurs du voyage. Cet épisode fut, écrivez-vous, Vladimir Berilovitch, à notre connaissance, la première allusion directe qui ait été faite dans une publication russe à un chant pieux populaire qui sera qualifié plus tard de cantique spirituel. Je vous laisserai dire le terme en russe. Ce qui appelle quelques commentaires, commentaires que vous allez nous livrer. Mais peut-être en précisant au tout début ce qu'est ce voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou. C'est un récit, mais sous le récit ou entre les lignes de récit se cache une critique assez marquée, assez virulente de l'État. On peut qualifier le livre de pamphlet, ce n'est pas interdit, c'est peut-être un petit peu réducteur, parce que c'est en même temps, je crois, un voyage de découverte, et de découverte à la fois de la Russie, que Radichev connaissait pas si mal que ça, parce qu'il était fonctionnaire des douanes, il avait eu diverses fonctions, donc il... Ce n'était pas une connaissance très profonde, comme on en trouvera plus tard, ou même à l'époque, mais tout de même, c'était une vraie connaissance. Et c'est aussi une découverte littéraire, puisqu'il avait fait plusieurs essais littéraires, et là, il a voulu créer, je crois, un voyageur sentimental dans le lignage de Laurence Stern à la russe. C'est construit comme le voyage de Stern. Lawrence Stern est un écrivain britannique du XVIIIe siècle. Il fait partie, avec Cervantes et Rabelais, qu'il admirait, des fondateurs du roman moderne. Il est l'auteur, entre autres, du Voyage sentimental à travers la France et l'Italie, inspiré par son voyage sur le continent. Ce roman jouit d'un très grand succès et d'une très grande influence et contribua à faire du récit de voyage un des genres dominants de la seconde moitié du XVIIIe siècle. À la différence des récits précédents de l'époque, qui cherchent à dispenser des connaissances objectives, le voyage sentimental insiste sur une approche subjective des goûts et sentiments personnels, des mœurs et des coutumes, au-delà du savoir classique. Et alors, en effet, c'est une critique de certains aspects de la monarchie russe qui vont jusqu'à prôner un possible républicanisme. En tout cas, la grande cible, c'est le despotisme. Et la deuxième cible principale, c'est le servage, la condition des paysans. Il y a autre chose, la corruption de l'administration. On dirait que c'est presque comme un cahier général de doléances, mais très virulent, qui s'attaque à peu près à tout. Il y en aura d'autres quand Custine voyagera en Russie au XIXe siècle ou d'autres. C'est une espèce de balaye, de grandes rafales de mitraillettes sur l'ensemble de ce qu'il voit. C'est à peu près ce que fait Radichev, mais pas seulement, parce qu'il y a tous les côtés positifs, si j'ose dire. Et ce côté positif, c'est d'une part les Lumières, l'éducation, et deuxièmement, ce qui est vraiment là, une grande nouveauté, le peuple, c'est-à-dire les paysans. Задумайся, человече, потягай час смерти, сколько не жить на всем свете, надо умереть, сколько не жить на всем свете. Надо умереть. Alors, ces cantiques spirituels, comment dit-on, prononce-t-on le terme en russe, et qu'est-ce que c'est que ces cantiques? Alors, l'expression est duchovny stikh au singulier, ou duchovny stikhi, sachant que duchovny veut dire, en l'occurrence, religieux, ou spirituel, c'est en général traduit par spirituel. Il peut avoir un sens plus vague, mais là, il n'y a aucun doute, ça veut dire religieux. Stikh, normalement, ça veut dire poème. Seulement, c'est ce mot-là que les mendiants eux-mêmes employaient pour dire, ou leurs auditeurs, en général populaire, bien sûr, employaient pour désigner ce genre. Est-ce qu'on peut appeler ça un genre? Probablement oui, puisque ce sont effectivement tout un ensemble de chants qu'on trouve chantés par, en général, des mendiants, pas toujours aveugles, mais fréquemment aveugles. Donc, il y a différentes questions qui se posent. D'abord, est-ce que c'est une invention des élites? Non, ce n'est pas une invention. Radichev, ce qu'il raconte est parfaitement plausible. Peut-être qu'il l'a entendu même. Ce n'est pas du tout impossible. Parce que le cantique qu'il cite est un des plus populaires. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sorti des églises? Est-ce que c'est venu autrement? C'est une question extrêmement vaste et fort intéressante. Il y a eu des études qui ont été faites fin du XIXe siècle par d'éminents savants russes qui connaissaient à fond la littérature médiévale. D'autres sont venus qui connaissaient à fond aussi le monde byzantin. C'est là qu'il y a eu déjà de grands progrès. Et puis sont venus aussi ceux qui connaissaient très bien le Moyen-Âge occidental. Et ça, ça a donné le meilleur de tout ce qui était publié fin du XIXe au début du XXe siècle. Mais quand Radichev a supposé qu'il ait assisté à la scène, se trouve devant, de quels outils peut-il disposer pour se dire « voilà, c'est ça ». Il identifie sans doute, probablement, peut-être une scène qui a lieu devant lui, et puis il la saisit d'une certaine manière. Comment fait-il pour la saisir? Alors, d'abord, il ne l'identifie pas comme un cantique spirituel. C'est simplement une scène. Et il raconte que le soldat chante sur Alexis, homme de Dieu. Ça suffit. Radichev n'avance pas davantage pour raconter il ne note pas le chant. Non seulement il ne le note pas, il ne le raconte pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Plusieurs choses. D'abord, peut-être qu'il l'a mal entendu ou qu'il ne connaissait pas, bien évidemment. Mais à mon avis, il y a autre chose. C'est qu'il fait allusion à un chant que tout le monde, plus ou moins, avait entendu, même sans l'écouter. On ne s'y intéressait pas. Enfin, on s'y intéressait quand même suffisamment pour qu'il ait déjà existé au XVIIIe siècle dans des versions manuscrites qui circulaient. Donc on avait déjà recueilli ce chant à la fin du XIXe siècle. 1790, ça existe déjà. Donc, c'est une réalité qu'on connaît, de la même façon que les chansons de mariage. Un homme ne connaissait pas forcément les paroles d'une chanson de mariage paysanne. Mais on savait très bien que les paysans chantaient des chansons au mariage et on avait une vague idée de ce que c'était. C'est l'impression que donne ce récit. Parce que Radichev s'intéresse surtout au moment décrit, c'est-à-dire aux sortes de conversion et repentir d'Alexis, qui deviendra un saint, et qui s'enfuit de Rome, en laissant là toute sa famille, toutes ses fonctions, tout. Donc la fuite ailleurs. Et il s'intéresse aux réactions du public et au soldat lui-même. C'est-à-dire, le soldat aussi, c'est un converti, puisque c'est quelqu'un qui a fait la guerre. On engage la conversation et le soldat raconte son passé, dont il se repent. Comment comprendre ces réactions ? Comment comprendre cette vallée de larmes ? C'est très difficile de décrypter la chose parce que c'est de la littérature. Est-ce que tout le monde pleurait réellement ? Ce n'est pas sûr. Ce qu'on atteste au XIXe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, nous n'avons pas de témoignage direct, sauf celui-là probablement, qui n'est pas un vrai témoignage, parce que c'est de la littérature. Au XIXe siècle, ce qu'on sait, c'est que c'était suffisamment populaire pour qu'il y ait forcément, ou presque forcément, une petite foule qui s'assemble. Où cela ? En général, devant des églises dans les villes, ou des monastères, à plus forte raison si c'est un lieu de pèlerinage, c'est du pain béni, si j'ose dire, et sur les foires, les marchés. Donc il y avait toujours des attroupements pour écouter cela. Ça plaisait. Alors à qui ? Comment ? Pourquoi ? Ça, c'est trop difficile, parce que les ethnographes ne s'intéressaient pas d'assez près à ces questions-là. Ils voulaient surtout recueillir les textes, mais ils ne s'intéressaient pas assez, comme on fait aujourd'hui, à l'environnement, à l'individu lui-même, à tout cela, tous les aspects anthropologiques, je dirais, de cette prestation orale. Qu'est-ce que c'est que ce travail qui est fait précisément par, peut-être, les ethnographes, également les universitaires, en leur temps, en cette époque-là ? Alors, l'époque de Radichev, il n'y a pas encore d'ethnographes. Mais il y a des gens... C'est le 19e. Oui, c'est au 19e. Mais déjà, dès le milieu du 18e siècle, c'est quand même très très tôt, on commence à recueillir des chansons de toutes sortes de gens, des marchands, des amateurs, parfois des écrivains. À quel souci ça obéit ? C'est beaucoup plus large que le cantique. Le souci de trouver des sources populaires de la littérature russe qui reste à inventer. Après viennent toutes les grandes vagues occidentales, à la fin du XVIIIe siècle, il y a Ossian, et il y a cette idée que les Russes et les Slaves ont des racines et une tradition qu'il faut découvrir. Est-ce un souci scientifique ou un souci politique ? Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. Au XVIIIe siècle, c'est un souci essentiellement culturel, parce qu'on n'en est pas à l'idée de construire une nation politique russe. Non, c'est vraiment culturel. Et c'est venu très tôt, peut-être plus tôt que dans d'autres pays. On peut dire, si vous voulez, que des éléments de nationalisme, pas au sens virulent du mot, mais... disons, plutôt de sentiment national ou de découverte de tradition nationale, ces éléments-là, ils existent dès le milieu du XVIIIe siècle. Le souci scientifique, mêlé aussi d'une construction, qui est la même au fond, eh bien là, on entre, si vous voulez, dans la période des années 20-30, c'est-à-dire la période des slavophiles, qui joue un rôle extrêmement important dans tout ça. Le slavophilisme russe ou mouvement slavophile, à l'instar d'autres mouvements de réveil national, est né dans la première partie du XIXe siècle. Ses principaux représentants appartiennent à l'intelligentsia russe. La pensée slavophile est fondée sur le concept de génie de la Russie. Les slavophiles décèlent celui-ci dans certaines valeurs et institutions considérées comme proprement nationales, comme la religion orthodoxe. Selon eux, l'européanisation brutale et précipitée de la Russie par ses souverains, de Pierre le Grand à Catherine la Grande, a fait perdre au pays son identité. L'objectif des slavophiles est donc le retour aux valeurs traditionnelles russes et la fin de l'imitation de l'Europe. Une fois ce but atteint, le génie de la Russie vaudrait à cette dernière de connaître un rôle primordial dans l'histoire de l'humanité. Et là, il y a un souci scientifique incontestable. C'est l'entreprise qui a été lancée par Piotr Kirievski, qui était un des principaux slavophiles. Plus exactement, son frère, Ivan, était, peut-on dire, le principal philosophe du groupe. Il est mort assez jeune, mais c'est lui qui a réellement lancé ce mouvement, je crois, ce courant d'idées. Son frère, Piotr, a voulu découvrir les chansons populaires, les chants, surtout les chants, ce qui est d'ailleurs intéressant. Pourquoi les chants? Parce que, croit-on, en Allemagne, après Herder, après tous ces gens-là, on est persuadé que c'est dans le chant que l'âme du peuple s'exprime. Donc la prose intéresse moins à cette époque-là. Ça viendra après. Herder, de son nom complet Johann Gottfried von Herder, est un poète, théologien et philosophe allemand de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Selon lui, l'histoire humaine est un prolongement logique de l'histoire naturelle. Ainsi, de même que l'organisation du vivant est d'abord conditionnée par sa vigueur organique et son environnement, le développement de la culture d'un peuple, lorsqu'il prospère, est d'abord dicté par son caractère ou son génie propre et par les conditions physiques, le climat, du pays ou de la terre où il vit. Il se développe ainsi à travers le monde une multitude de formes culturelles uniques, irréductibles l'une à l'autre, toutes également légitimes, et c'est même là que réside, affirme-t-il, à l'encontre du concept d'histoire universelle des Lumières, le principe de l'histoire. Grand critique donc des Lumières françaises, Herder les rend entre autres coupables d'hégémonie linguistique. Il leur opposera la notion de Deutsche Nation, qui serait capable de s'émanciper de la présence ou du modèle français, voire de tout modèle et tutelle, la langue constituant alors l'élément de cette liberté. Même chez Radichev, d'ailleurs, on voit cette notation tout à fait intéressante. J'écoute le chant du cocher, à travers ses notes plaintives, j'entrevois l'âme du peuple, je cite à peu près, bien sûr, ce n'est pas les paroles exactes, mais on a ça en noir sur blanc. Et donc, là, pourquoi peut-on dire scientifique? Pour l'époque, oui, parce que Kievski, d'abord, construit tout un réseau de collecteurs. On veut recueillir le texte exact, et non pas embelli, transformé, on ne fait pas les contes de Perrault. Donc c'est parallèle aux frères Grimm en Allemagne, mais c'est très très exigeant, rigoureux. On doit noter l'origine, où ça a été chanté. On note pas encore forcément le chanteur, mais on note quand même le lieu, déjà, dès cette époque-là. Et la publication doit être absolument systématique, ça doit être un énorme monument, qui sont tous les chants du peuple russe. Ça n'a jamais été réalisé. Mais c'est ça qu'il lance. C'est gigantesque. Alors il ne le mettra pas bien, il meurt avant, il publie assez peu de choses d'ailleurs. Entre autres parce qu'il est perfectionniste et boulimique. Donc il faut rassembler tout. Et donc le premier recueil qu'il fait paraître, c'est justement, en 48 je crois, un premier recueil de cantiques spirituels, de chants religieux. Face à cette spontanéité-là, que sait-on des réactions, c'est d'ailleurs ce que vous indiquez comme questionnement, Vladimir Brilovitch, des autorités ecclésiastiques, parce que cette chose-là, elle naît tout à fait en dehors d'eux, en dépit d'eux. Ont-ils des réactions de censeurs, ou au contraire, tentent-ils d'attraper pour elles-mêmes, puisque ce sont des autorités, cette création-là? Peut-on parler de création? Je doute que le mot soit très adapté. Alors ça, c'est un sujet vraiment intéressant, je crois. Parce que il confirme peut-être, ou nuance, ou enfin, c'est une autre lecture de certaines choses qu'on connaît assez bien. Par ailleurs, quand on parle de la pusillanimité, du conservatisme, de l'Église, enfin, toutes sortes de mots comme ça qu'on emploie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cela? Alors, c'est symptomatique, par exemple, que Kievski, dans sa longue introduction à ce premier recueil de chants, développe un certain nombre d'idées slavophiles, l'âme du peuple, l'attachement du peuple russe à la religion, et aussi met de façon presque subliminale un certain nombre de garde-fous et de justifications qui permettent de ne pas censurer cette publication. 48, ce n'est pas une très bonne année pour la censure. Et après, encore moins. C'est vraiment la pire période du règne de Nicolas Ier. Or, la censure ecclésiastique est très forte, peut-être même moins tolérante à certains égards que la censure politique. D'ailleurs, de tout temps, officiellement au moins, les interdits, le code par exemple du XVIIe siècle, etc., le premier interdit était toujours religieux dans la hiérarchie. Comme dans la hiérarchie Dieu vient avant le tsar, dans l'hiérarchie pénale, si j'ose dire, et de l'index, c'est aussi la censure religieuse. Alors il y a eu des hauts, des bas, au XVIIIe siècle ce n'est plus du tout pareil, et ainsi de suite, mais néanmoins, c'est quelque chose de fort. Et là, pourquoi est-ce qu'il prend tant de précautions, finalement? Parce qu'il n'y a rien de vilain dans tout cela. On chante la Vierge, on chante toutes sortes de choses, il n'y a rien d'impie. Une œuvre impie avait toutes les chances d'être censurée, carrément. Là, non. Alors pourquoi? C'est à cause de leurs origines. Il y a deux aspects, je crois, qui sont des aspects fondamentaux. Un qui est structurel dans le monde ecclésiastique russe, c'est plus large d'ailleurs, mais c'est particulièrement fort, je crois, dans l'orthodoxie russe, qui est que tout ce qui touche à la religion, comme tout ce qui touche au tsar lui-même, c'est-à-dire la monarchie, pas les discussions sur les réformes politiques, etc., mais la personne du tsar et son lignage, sa dynastie, ce sont des sujets absolument tabous et qui doivent être totalement contrôlés par les autorités elles-mêmes. Donc si l'Église ne contrôle pas, par exemple, l'image sainte, théoriquement, bien qu'il y ait eu quand même une imagerie populaire attachée à des saints, etc., ça existe, mais néanmoins, c'était vu de travers par les autorités ecclésiastiques, et en principe, ça devait passer par les fourches de la censure. Même chose pour les textes. Donc ces chants sont d'origine religieuse, sans aucun doute. Peut-être même pour certains, mais avec beaucoup de questions, c'est venu carrément des églises et ont été considérablement transformés, parce que ce sont, comme souvent dans les littératures orales, des mixtures, des influences diverses qui viennent de partout, y compris du monde occidental, et y compris d'apocryphes. Donc, on ne peut pas parler comme ça, sans autorisation, de choses ecclésiastiques. Il faut que ça passe par la censure. Ça, c'est le premier point, et je crois que c'est le point fondamental. Il y en a un deuxième qui est plus conjoncturel, c'est depuis le XVIIe siècle, mais qui est très important, c'est que pour une bonne part, et on s'en est aperçu très vite, et Kievski le savait probablement, parce qu'il y a une ligne qu'il écrit dans sa préface qui montre qu'il savait de quoi il parlait, que l'origine de ces chants venait en partie des vieux croyants, c'est-à-dire de ceux qu'on appelait les schismatiques. Donc l'Église russe a été l'objet d'un schisme en 1666-67, très très grave pour la vie intérieure de l'Église. Ces gens-là ont été excommuniés alors qu'ils étaient en fait attachés à l'Église et aux traditions religieuses russes d'avant les réformes des années 50, 1650. Donc il y a quelque chose de très paradoxal, évidemment, puisque au fond, c'était en principe de très bons chrétiens, puisque voilà, il aurait fallu dire qu'avant les réformes de l'Église, tout le monde était plus ou moins schismatique, etc., voire hérétique, mais non, on n'est pas allé jusque-là. Comme toute une population dont on mesure mal et l'ampleur et l'influence, parce que ça ne sortira au grand jour qu'au début du XXe siècle, après le décret de tolérance de 1905. Et là, on a vu s'ouvrir, non pas un abîme, parce que ça serait péjoratif, mais tout un monde qui a commencé à venir à la surface. Il est hors de doute que beaucoup de chants venaient de là. Et même s'ils ne venaient pas de là dans leur thématique, en tout cas, ils étaient pratiqués par les vieux croyants. Confronté à une série de soulèvements dans les provinces centrales de son empire, aussi bien que dans les périphéries à majorité ou à forte minorité non russe, le tsar Nicolas II dut se résoudre, par le manifeste du 17 octobre 1905, à charger le gouvernement d'accorder à la population les fondements intangibles de la liberté, à savoir inviolabilité de la personne, liberté de conscience, de parole, de réunion et d'association. Ce manifeste fut précédé de quelques mois par la promulgation d'un décret sur la tolérance religieuse. La mesure la plus significative qu'il contenait était le droit nouveau de quitter librement l'orthodoxie, accordé dans certaines conditions aux sujets de confession orthodoxe. Par exemple, au début du XXe siècle, quand l'Église commence à changer son attitude, il y a un chanteur de chants populaires, et notamment d'épopées, de chants épiques, est invité dans différents lieux à Saint-Pétersbourg et à Moscou Eh bien, cet homme est non seulement vieux croyant, mais dans la dernière tournée qu'il fait, je crois que c'est en 1910, tout le monde le sait, on le dit. Il y a eu le décret de tolérance. Et alors, il ne se gêne pas pour chanter des chants religieux. Devant le tsar, devant la famille du tsar, et même dans une académie ecclésiastique. Là, il y a eu un tournant qui a été pris. Entre-temps, c'est le silence de l'Église. On ne connaît pas les chants religieux. Il n'y a pratiquement aucune réaction. J'ai une toute dernière question. Elle me vient comme ça. Il existe, et tout bon disquaire ou bon discophile en a probablement un ou deux exemplaires sur sa bibliothèque. Ces chants de mendiants aveugles existent dans bien d'autres pays. Je pense notamment à un que j'ai notamment en Italie, que j'ai écouté à bon nombre de reprises. Est-ce que ces chants-là, en Russie, seraient d'une certaine manière d'une même famille, appartiennent à une même famille? Qu'est-ce que l'on sait de ça? Il n'y a pas de lien direct, ça non. Mais il y a des origines qui peut-être sont communes pour certains. Il y a des apocryphes qui ont circulé dans l'ensemble du monde chrétien européen et qui ont donné lieu à ce genre de choses. On a commencé vraiment à les étudier vraiment à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ça a commencé à sortir au grand jour. Il y a même un chœur populaire de la région de Voronezh qui est devenu professionnel, le chœur Piatnitsky, et qui en chantait beaucoup. Après la période soviétique, il a continué, mais évidemment sans ces chants-là. Et ça s'est complètement gelé. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas de disque. Maintenant, il n'y a plus de ces mendiants, je ne crois pas, qui chantent ce type de chant. Par contre, il y a eu des groupes qui se sont constitués et qui ont même sorti des disques avec ces chants. Donc ça circule. Je crois quand même que c'est un monde bien isolé. Alors, il y a cette hypothèse qui a été formulée par un extraordinaire savant, un spectre culturel magnifique, qui s'appelait Bouslaïev. Il a vraiment lancé des pistes extraordinaires. Et en croisant un certain nombre de sources médiévales de différentes sortes, ces chants, des représentations picturales, il en est venu à formuler l'hypothèse que l'origine de ces chants, c'est le monde des pèlerins du Moyen-Âge, qui remonterait très haut, et qui ne sont donc pas spécifiques du monde orthodoxe, mais qu'il y a eu des sortes d'évolutions parallèles de ce type. Alors, l'hypothèse, évidemment, est fragile, parce que c'est difficile à prouver, et s'appuie sur une très jolie trouvaille qu'il a faite. Personne ne l'a contestée, d'ailleurs, mais évidemment, on ne peut pas le prouver non plus. C'est une question étymologique. C'est-à-dire, dans les classes populaires du 19e, même au 18e, on le sait déjà, du 19e siècle, ces gens qui circulaient, qui chantaient, on les appelait les kaliki. Kaliki. Et on ajoutait pelerhoje, c'est-à-dire migrants. Pas des pèlerins, ce ne sont pas des pèlerins, ce sont des gens qui se déplacent de lieu en lieu. Et Kali, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est eux qui chantaient. Ça voulait dire ça. Mais Kali qui ne veut pas du tout dire chanteur, à aucun titre, rien dans la langue ne nous rattrache à ça. Et alors, il a rapproché le mot Kalika du mot Kaliga, qui est la sandale du pèlerin. Ce qui est tout à fait magnifique. Alors, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, si on veut parler d'origine commune, peut-être qu'il y aurait quelque chose comme ça à trouver. Vladimir Berelovitch, merci infiniment. C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous avoir au micro d'Histoire vivante. J'aimerais bien renouveler prochainement l'exercice. À très bientôt, donc. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Vladimir Berelovitch, professeur honoraire d'histoire à l'Université de Genève, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et organisateur du colloque « L'invention de la Sainte-Russie » qui s'est tenu en 2010 au Musée du Louvre à Paris. Demain, la suite avec un nouvel entretien auprès d'Alexandre Lavrov. Il sera question des pèlerinages des gouverneurs moscovites au XVIIIe siècle et aussi de la Russie d'aujourd'hui.